Chapitre 38e. Tandis que Madame d'Albreuse retournait chez elle, Gilbert courait sur la route de Pontcarlet. Son cœur était tout déchiré, mais la fierté répandait un baume consolateur sur ses blessures. Il avait le sentiment qu'il venait de faire une chose bonne et juste, et dans son infortune, il portait la tête haute. Quelquefois, cependant, la douleur le terrassait, et des larmes s'échappaient de ses yeux. « Ah, que du moins je ne la revois plus !» disait-il alors, et son cheval, qu'il harcelait de l'éperon, allait comme la foudre. Il aperçut enfin les lumières qui brillaient derrière les vitres de Pontcarlet et entra dans la salle où se tenaient les trois hôtes de la vieille maison. Ce n'était plus, comme au temps de son arrivée, un endroit tout rempli de bruit joyeux. Les chiens hurlaient dans le chenil, les chevaux délaissés piaffaient dans l'écurie, plus de chansons et de fanfares autour de la table, plus de torches errant dans la cour, plus d'éclats de rire mêlés au choc des verres. Auprès de la cheminée où les tisons jetaient quelques flammes expirantes, trois hommes étaient assis. La conversation, lentement poursuivie, tombait à chaque mot. Ils ne parlaient pas de la seule chose qui les occupa. Parfois l'un d'eux prenait au hasard un volume, et le volume entrouvert restait sur ses genoux. Tous les yeux se tournaient vers Gilbert qui venait de pousser la porte. Il s'avança résolument, la main tendue du côté de Henri. « Je t'avais demandé 24 heures, » dit-il. « Ces 24 heures n'ont pas été perdues. Je ne suis plus ton rival. Mademoiselle de la Morlaix est libre. Et si moi seul je te faisais obstacle, l'obstacle n'existe plus. » Il raconta alors à ses amis ce qu'il avait fait. Sa voix était brève, saccadée. Elle devint tremblante quand il parla de l'instant où il avait vu Léopoldine pour la dernière fois. « Un lien a été entre nous, » dit-il en terminant. « J'ai porté le fer et le feu. Il n'en reste plus rien. »« Embrasse-moi, mon enfant, » cria M. de Carlepont. « Ah !» dit Gilbert, qui se jeta tout en pleurs dans ses bras, « voilà un mot qui paye bien des sacrifices !» Henri allait et venait dans la chambre, le visage décomposé. Il s'approchait de Gilbert, l'embrassait, lui prenait les mains et s'éloignait. « Et tu as fait cela pour moi, toi que j'accusais, toi que je détestais, car je te détestais sans t'en rien dire. Et tu as pu renoncer à elle. Et tu la pousses vers moi. Et tu viens me dire, Léopoldine est à toi, je te la donne. » « Mais tu ne sais donc pas que ce dévouement est inutile, qu'un empêchement plus fort et bien autrement invincible nous sépare, et qu'elle est perdue à jamais pour moi, que rien ne me la rendra, et que c'est vainement que tu t'es brisé le cœur et que je n'ai plus qu'à partir, et que mon père le sait bien ?» Il s'arrêta et se cacha la tête entre les mains. Gilbert se tourna vers M. de Carlepont et le regarda comme pour lui demander si vraiment les choses étaient arrivées à ce point qu'il fut impossible de conserver aucun espoir. « Bah, je te comprends, » s'écria le duc. « Après l'exemple que tu viens de me donner, tout ce qui est humainement possible de faire, je le tenterai. Demain, j'irai chez la mère Angélique de la Pitié. Vous ?» s'écria Henri. « Peut-être ira-t-elle au-devant d'une explication que je n'ai pas le courage d'aborder. Peut-être une inspiration me viendra-t-elle. Mais quoi qu'il arrive, au moins ne sera-t-il pas dit que je ne l'aurais pas vue. » Quelque chose est entre vous que je ne sais pas, dit Gilbert, mais si le dévouement d'un homme peut vous être en aide, comptez sur moi. Je ne vous pousse pas vers la maison noire, je ne demande même pas d'y aller, reprit Henri, mais si vous persistez à vous y rendre, je vous y accompagnerai, mon père. Le lendemain, dès le point du jour, M. de Carlepont trouva M. de Bléré qui allait et venait dans la cour de Pontcarlet. Le rude visage du duc portait les traces d'une longue nuit d'insomnie. Le breton lui serra la main. « Voilà de ces tourments que l'on n'éprouverait jamais si l'on avait passé sa vie à chasser l'abbé Cassine, » dit-il. « Et si on restait toujours célibataire, n'est-ce pas ?»« Et cependant, lorsque je te voyais à la Cormelle, entre ces deux jeunes garçons qui poussaient comme de jeunes chênes, bien des fois il m'est arrivé d'envier ton sort. »« Rappelle-toi, » dit gravement le duc, « toute vie porte en elle sa récompense et son expiation. » On amena deux chevaux scellés et bridés, Henri parut et partit avec M. de Carlepont. Un pâle soleil d'hiver éclairait la maison noire quand le duc et son fils arrivèrent au bord de l'étang. Le froid durcissait la terre qui sonnait sous les pieds des chevaux. Le long des sentiers qui couraient dans la campagne et sur la chaussée bordée d'arbres que le givre faisait étinceler, on apercevait de longues files de pauvres gens qui marchaient tenant par la main des petites filles et des petits garçons. Toute cette foule se dirigeait vers la maison noire. La grande cour était ouverte. Les pauvres, divisés par groupes, l'encombraient. Il y en avait dans les coins, il y en avait sur les bancs. Des feux pareils à des feux de bivac étaient allumés aux quatre angles dans le milieu de la cour. Hommes et femmes étaient rangés tout autour, étendant les mains vers la flamme et ramenant leurs capes et leurs manteaux sur leurs épaules voûtées. D'autres familles se serraient dans le vestibule de la maison. Un chuchotement de voix basse et douce sortait de cette multitude. Elle s'écarta sans bruit pour laisser passer le duc et son fils. Au dernier coup de midi, une porte intérieure s'ouvrit et la mère Angélique de la Pitié parut, suivie de quelques serviteurs qui portaient des corbeilles. Tout le monde se leva. M. de Carlepont et Henri se collèrent contre un mur dans l'ombre. La distribution des aumônes commença. La mère Angélique allait parmi les groupes, interrogeant toutes ces misères et s'arrêtant avec une complaisance plus marquée auprès des plus malheureux. Quelques-uns pleuraient en la remerciant. Beaucoup lui baisaient les mains. Les plus timides s'emparaient du bout de sa mante et du banc de sa robe à mesure qu'elle passait et les portaient à leurs lèvres. Quand un adolescent se trouvait devant elle, la mère Angélique passait plus lentement, les yeux tournés vers lui. Elle disait aux mères de veiller sur leurs enfants, aux enfants de prier pour leur mère, et ses mains ne se laissaient pas de donner. Il y avait dans les corbeilles des vêtements pour les vieillards et pour les enfants des langes et des couvertures. Et quand, à force d'épuiser, on n'y trouvait plus rien, les serviteurs allaient chercher d'autres corbeilles dans la maison. La mère Angélique fit ainsi le tour de l'assemblée, prodigue d'aumônes et de bonnes paroles, et semant autour d'elle la consolation. De petits enfants qui la connaissaient marchaient auprès d'elle, la tenaient par la jupe. Les mères la faisaient voir aux innocents qu'elle portait dans leurs bras. Un concert de bénédictions la suivait. Bientôt on apporta dans des paniers de grandes écuelles remplies de soupe chaude et de gros pains blancs coupés en morceaux. Chacun en eut sa part et chacun se mit à manger, comme autrefois la foule des pêcheurs au bord du lac de Génézareth. À la vue de ce spectacle, quelque chose parla dans le cœur d'Henri plus haut que le désespoir. Le père et le fils se regardèrent. « Ah, c'est impossible !» dit Henri. Il voulut entraîner son père loin de la maison noire. Mais, au milieu de ce grand silence et de cette immobilité, le moindre mouvement attirait les yeux. La mère Angélique aperçut les deux étrangers et reconnut M. de Carlepont. Elle devint livide et marchant droit à lui, les mains dressées en l'air, le frémissement de la colère sur les lèvres. « Vous ici, vous le meurtrier de mon fils » s'écria-t-elle. À ce cri, toute cette foule s'agita. On vit les vieillards se mettre debout. Les femmes tournaient vers l'inconnu des regards d'épouvante. Un grand murmure s'éleva de tous côtés. Mais la mère Angélique était comme hors d'elle-même et continuant d'une voix plus âpre et plus haute. « Vous voyez cet homme qui vient chez moi à la pleine lumière du jour ?» reprit-elle avec une véhémence sauvage. « Il a tué mon enfant. Et par lui, voilà 30 ans que je traîne mon deuil. Et il ose venir sur mon chemin, la tête haute. Le visage plein d'orgueil, pareil à ceux qui ne connaissent pas le remords. Malédiction sur lui, et que le sang qu'il a fait couler retombe sur sa tête. « Madame !» s'écria Henri qui fit un pas. Mais soudain, M. de Carlepont le retenant. « Laisse, » dit-il à voix basse, « laisse, mon enfant. C'est le désespoir qui parle par sa bouche. Dieu ne l'entendra pas. » Henri se tut, et le duc et son fils se retirèrent lentement, tandis que la mère Angélique, la main tournée contre eux, les poursuivait du geste et semblait par son attitude les vouer aux vengeances d'en haut. Tous les regards les menaçaient, et ils marchaient, entourés de visages sombres et hâves, animés par un feu subit. Mais il y avait quelque chose dans ces deux hommes qui pliait cette foule au respect, et à mesure qu'ils avançaient, le cercle fermé devant eux s'ouvrait, et on s'écartait de leur route. Au moment de faire un dernier pas et de sortir de l'enceinte où la masse des pauvres était rassemblée, Henri s'arrêta et regarda en arrière. « Ah » dit-il avec l'expression d'un sombre désespoir, « on vous a jeté l'insulte au visage. » Et devant moi, votre fils. Et j'ai pu. Je l'ai bien supporté, moi, répondit M. de Carlepont. Passe et ferme la bouche, un mot un seul, et tu feras couler tout le sang de ce pauvre cœur plein de larmes. Henri courba la tête et continua sa marche. Lorsque, par un mouvement subit, il tourna les yeux à l'angle du chemin, la mère Angélique était encore debout, immobile dans sa robe noire, et autour d'elle une foule silencieuse et courbée se pressait. Le duc en ce moment songeait à Philiberte. Ils rentrèrent ainsi à Pontcarlé. M. de Bléré les attendait sur la route en compagnie de Gilbert. Aussitôt qu'il les aperçut, Henri secoua la tête. « La Bretagne est pour moi comme une marâtre, » dit-il en souriant. « Le plus tôt que je la quitterai sera le mieux. »« Quittons-la donc tous ensemble, » s'écria Gilbert, « et n'y rentrons plus. » Pendant la soirée, on causa des pays lointains. Chacun prit part à la conversation. Gilbert voulait qu'on remontât le Nil et qu'on ne s'arrêtât plus avant d'avoir découvert les sources du fleuve mystérieux. Monsieur de Bléré opinait pour qu'on attaquât le continent africain par le côté méridional. On y aurait cet avantage de se trouver en pays de chasse. « Nous courons la girafe et le rhinocéros blanc, » disait-il. Monsieur de Carlepont estimait qu'il fallait faire simplement le tour du monde. « Partons d'abord, » disait Henri. À les entendre, on les eût pris pour des touristes amoureux de promenades et d'aventures. Après le dîner, tout en fumant un cigare, Monsieur de Bléré prit le duc à part. « Mon vieux compagnon, » dit-il, « je me connais en visage. Celui de ton fils n'annonce rien de bon. Les cordes de la volonté sont tendues outre mesure. Il ne se plaint pas, il ne pleure pas, il se courbe, mais il peut rompre. Ainsi, tu l'as remarqué, comme moi. Oui, et s'il faut tout dire, je crains qu'il ne soit en péril de mort. Et que veux-tu que je fasse ? S'écria Monsieur de Carlepont qui se tordait les mains. Descends dans ta conscience, et si tu me dis bah, dans une heure, Madame de Cipierre saura toute la vérité. Mais ce sera comme si je lui plantais un couteau en plein dans le cœur. Ce droit de vie ou de mort, l'ai-je ? Dit. Monsieur de Bléré regarda Henri qui se promenait à l'écart avec Gilbert, et passant la main sur son front. « Alors, à la grâce de Dieu qui nous voit et nous entend, » dit-il. On se sépara en s'embrassant. Le jour qui suivait devait être le premier de leur long pèlerinage. Vers le milieu de la nuit, une rumeur sourde se répandit autour de Pontcarlé. Bientôt elle grandit et tout à coup elle éclata avec une violence extrême. Le bruit du tocsin se mêlait à des cris perçants, poussés de tous côtés et sonneries retentissantes du tambour. En un clin d'œil, on fut debout, et chacun des hôtes du manoir put distinguer les flammes rouges d'un incendie qui dévorait un village dans la direction de Maingris. « Courons ! » s'écria Henri.